Et chose fausse, la France n'a pas qu'un incroyable talent. La France est bourrée de talent en termes d'underground musique extrême. Preuve en est avec la doublette à venir. Une autre nouveauté dans la diff de ce soir, Embryo Passia, ça nous vient du sud Touraine. On est sur du... Alors, non, c'est pas du gore grind. Putain, je... du blasting death grind. Pour pas dire du brutal death gore slam, machin, enfin bref. On retrouve dedans notamment Grand Guy de Pulmonary Fibrosis. Et bon, au niveau du line-up, Grand Guy a enregistré les trois quarts de l'album. Hein. C'est lui qui a fait la batterie, les voix... je crois qu'il y a un gratteux autre et la basse, j'ai un doute sur qui l'a fait. C'est le premier véritable album parce qu'on a eu différents splits et une compilation en 2016. Drowning in Suffering, c'est le nom de ce premier véritable album studio de chez Embryo Passia. Une sortie sur label Pathological Explicit Record. Voilà, 2023, le nouvel album de Pulmonary Fibrosis, le nouvel album d'Embryo Passia. On a eu également des titres de Rotten. Très très bon groupe de Death, bien old school, avec pareil les mêmes icos qui se rejoignent. Your Infection is Not Dead, enchaîné au titre Purging of Putrefaction. Embryo Passia, personnellement, je suis bien ravi de cette sortie studio. Écoutez bien le son des cymbales et de la caisse claire. On aura en doublette avec Embryo Passia, Death Code Society. Est-ce que, mon petit Thibaut, tu veux glisser un petit mot sur cette formation de black française, comme tu l'avais dans ton top? Eh ben, c'est du black symphonique, qui, je trouve, a vraiment des orchestrations depuis ses débuts, qui sont vraiment, vraiment bien travaillées. Il propose quelque chose qui est vraiment grandiose, très théâtral, même dans ce qu'il propose... On a presque l'impression que ça pourrait être la bande-son d'une pièce de théâtre morbide. Très dramatique, ouais, dans l'approche. Et voilà, ça fonctionne super bien. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui est extrêmement réceptif au Black Sympho. Et là, force est de constater que c'est réussi. Ça se pose clairement comme un enfant illégitime de Anorexia Nervosa. On retrouve derrière du line-up du groupe Glaciation, qui lui-même a du line-up de Anorexia Nervosa. Donc voilà. La scène on est se croirait en Islande, dis donc. Tout est lié. Nous voilà, un très très bon album de Death Code Society, qui c'est leur second si je me souviens bien, et je trouve beaucoup plus marquant que le précédent. Voilà, une autre sortie chez Osmose Productions. L'album s'intitule Enlightenment et on s'écoutera le titre Scales. C'est parti. Thank you. Et on va clôturer l'aspect française avec une toute dernière doublette, Destruct, et dans la foulée on aura Obsidian. Destruct, tout d'abord, vient de sortir un nouvel EP, The Ascent. Ça nous vient du Grand Est français, alors du Grand Est administratif cette fois, parce que ça nous vient de Thionville. C'est du heavy speed mené par une chanteuse depuis peu qui a rejoint le groupe en 2022. C'est un peu une version speed d'un meurtrière, hein, même si là, pour le coup, les textes sont en anglais. Donc ça sonne bien old school, voilà, c'est très sympa. C'est un groupe qu'on, je pense, qu'on devrait découvrir sur scène à l'occasion de l'Anthems of Steel. L'Anthems of Steel, d'ailleurs, c'est mieux comme ça. Exactement. Et après Destruct, on s'écoutera Obsidian, un groupe de post-black qui nous vient d'Albi, qui nous fait un black bah, assez inspiré et riche, un petit peu dans la lignée d'un The Great Old Ones, avec des morceaux ambitieux hein, qui font entre 7 et 10 minutes. C'est un groupe très prometteur à suivre, qui est signé sur un label aussi qu'on va suivre de très près, Drowning in Chaos Records. Voilà, qui nous vient du nord de la France, ce label. Et Obsidian a une thématique assez spécifique, puisqu'il nous parle des anciens astronautes, la mythologie biblique via donc, une ancienne civilisation cosmique. Donc voilà, c'est effectivement le lien qu'on peut faire avec The Great Old Ones, mais via une autre interprétation. Destruct, Shannon Sork, Obsidian, le morceau Litany of Ya, extrait de l'album du même nom, c'est parti. Power of God. Allez, retour à la brutalité hexagonale avec tout d'abord les Américains de Condemned qui n'ont pas vraiment sorti de mauvaises productions au fil de leur carrière. Hein. Condemned, c'est quand même un gros nom du brutal slam death américain. Mais là, avec ce nouvel effort Daemonium, hein, d'ailleurs énorme remaniement de line-up, ne reste plus que le guitariste fondateur Steve Crow. Sinon, c'est que des icos qui vient juste d'intégrer. Et ben voilà, ce Daemonium prend une dimension vraiment occulte, brutal, slam death et grand bien leur face parce qu'il est vraiment excellent. Unique Leader, c'est leur écurie. Cursed Revelation of Balaam, c'est le titre que l'on va s'écouter. Et en doublette avec ça, Lohang. Là, on est sur une formation qui nous vient de Taïwan. On est sur du Black Atmo. Le nouvel effort studio s'intitule Riluo. C'est la troisième production d'album. Et on s'écoutera le titre tout simplement éponyme. Condemned Lahang, c'est parti. Doublette à venir, doublette de nouveautés pour clôturer la diff de ce soir. On reste après encore un petit peu ensemble pour faire un retour sur nos groupes internationaux coup de cœur de l'année 2023. Cryptworm, tout d'abord, ça nous vient d'Angleterre, de Bristol plus précisément. Et on est sur du, là par contre, du death bien caverneux. Ah, du putrid death, hein, c'est la version anglaise d'un undergang, hein, c'est vraiment crade. Les lignes vocales, c'est complètement immonde, mais c'est absolument parfait. C'est leur deuxième album qui est sorti toute fin d'année dernière. Des morceaux assez généreux qui font 5-6 minutes avec des petits passages doom bien rampants. C'est vraiment très sympa. Alors le nom de l'album est un petit peu long, mais ça donne déjà une bonne idée du contenu. Oozing Radioactive Vomition. Parfait. Et puis après ça, la dernière nouveauté pour ce soir. Et là, on va finir sur un groupe plutôt hardcore. Detached, qui nous vient d'Espagne, qui sort un nouvel EP, Know Your Place, c'est une autoprod, et qu'est-ce qu'on peut dire sur cette sortie ? C'est pas très intelligent, c'est pour le coup vraiment hardcore beatdown, ça doit être 5-6 morceaux pour 15 minutes, c'est grosse attitude, c'est pas le truc le plus incroyable qui soit, ça rappelle un petit peu un Street Soldier, un petit peu dans l'âme. Moins poussé, mais c'est un petit peu ce côté... Spanish beatdown hardcore with attitude. Eh ben, on va vraiment retenir ça, du coup, comme description. Many ways, one choice pour Detached. Et juste avant ça, Cryptworm, Miasmatic Fetid Odor. Et on se retrouve juste après pour une petite rétrospective de nos coups de cœur internationaux 2023. don't choose, no blame, no shame. Still following, we've gotta go harder. The guy ain't full of shit. Voilà, c'était Detached, venu d'Espagne. On se retrouve de nouveau tous les trois au micro pour vous partager nos coups de cœur et meilleurs ressentis sur la scène internationale en 2023. Donc là, c'est là où tu vas pouvoir nous balancer quelques petits chiffres sur les formations, les quantités, tout ci, tout ça. Déjà, on doit être à peu près 200 groupes internationaux diffusés. Moi, je trouve que le chiffre le plus intéressant, c'est le nombre de nationalités différentes. On est à quasiment une cinquantaine. Donc là, on va vraiment piocher les groupes aussi bien asiatiques, africains, sud-américains. C'est vraiment de partout. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ce qu'on peut évoquer un peu plus en détail, c'est à nouveau parler du hardcore. Ça a vraiment été une année assez exceptionnelle. Incroyablement riche. Largement, alors on a parlé de très très bonnes formations françaises, on a eu quelques formations, j'ai souvenir, d'Europe de l'Est, on ne peut pas ne pas citer les Japonais de Cruelty, mais les sorties hardcore ont été très très très largement dominées par les formations américaines. Alors, les vétérans étaient là, on va pas citer Terror était là, surtout les jeunes loups, les formations qui ont une demi-douzaine d'années d'existence, voire 2-3 ans, qu'on a eu l'occasion de voir sur scène pour certains sur différents événements en 2023, qui ont putain de beauté des culs sur leurs EP, leurs albums sortis l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut name drop sur Bugin, qu'on a pu voir au Super Bowl. On a eu Gel, Incendiary, Jesus Peace. Putain, cet album, encore une fois, même si un traitement du chant un peu tristouille. Pain of Truth, Tsunami, Year of the Knife, sur la fin de l'année. Un album absolument incroyable. Xibalba, qu'on diffuse encore à l'heure actuelle. Les très très bons jeunes anglais de Tempers Fray. Le All-Star Band End. Hein, gros coup de cœur. aurait été clairement un de mes coups de cœur de la scène hardcore, black and hardcore de cette année. Voilà. Et une des meilleures sorties européennes, je pense, c'est le Mind War. Voilà, qui au passage est sorti cette galette chez Triple B Records, donc le label ricain. Et Deadheads, qu'on aura l'occasion de voir en Europe l'an prochain. Donc voilà, grosse part de sorties hardcore extrêmement quali sur cette année 2023. On glisse sur quel style maintenant ? On va pour le Death. Alors c'est pareil, on n'a pas eu vraiment le temps de s'ennuyer avec l'album que j'attendais pas, qui nous a tous absolument accrochés, le Cryptopsy. Cryptopsy, la claque. Voilà. Vraiment la grosse branlée du Cryptopsy qui était inattendu, entre guillemets. Ouais. Même si je m'attendais pas forcément à quelque chose de mauvais, mais pas à ce niveau d'excellence. De parce que voilà, il y a. Tu trépignes, je sais. Il y a eu d'autres bonnes sorties, mais on savait qu'on allait sur de bonnes sorties. Le Cryptopsy, on ne pensait pas que ce serait aussi excellent. Ouais. On a eu les patrons américains, que ce soit en tout début d'année Obituary, on a eu aussi Cattle Decapitation, bien sûr, Dying Fetus, absolument parfait. Des groupes qui vieillissent d'une manière incroyable, même sur scène. Qui se maintiennent, exactement. Et puis dans les petites pépites, on aura eu le Cranium aussi, qui a été excellent. Pour l'Europe. Le Extermination Dismemberment, pour vraiment rester dans... Ouais, dans cette veine ultra, ultra brutale. Non, on a été vraiment purement death, on a été bien, bien servi. Moi, personnellement, en death un petit peu plus technique, il y a eu ma grosse claque de l'année avec Anachronisme, les Suisses, qui proposait un death ultra dissonant, ultra technique, avec une chanteuse qui fait un taf incroyable au micro. Donc une belle petite pépite de cette année, moi ça a été la grosse découverte. Et bah justement, en parlant de femmes au micro, autant s'envoyer une petite doublette de gel pour illustrer tout ça. Exactement. Une des meilleures sorties hardcore de l'année. Voilà, que j'espère avoir en Europe l'an prochain. Onid Blade enchaîné à Fortified, extrait de l'album Only Constant, qu'on a eu donc l'occasion de découvrir avec plaisir cette année. L'occasion avec ce titre de gel de vous parler de la date du vendredi 26 janvier organisée par Something for the Youth, orga hardcore Tour Angèle, hein, qui fait partie des noms qu'on suit de très très près niveau programmation, qui fait venir les Ricains de Restraining Order, accompagné des Rouennais de Sanctuary et des Parisiens de Genocide Pact. Voilà, les préventes ont été ouvertes ce soir, parce que oui, ça a lieu au Cana, mais ça risque d'attirer beaucoup, beaucoup de monde. Donc voilà, les préventes sont disponibles pour sécuriser votre accès à cette petite sauterie. Pensez-y, rendez-vous sur l'event. On continue la rétrospective de l'année 2023 en termes de coups de cœur à échelle internationale, nous concernant tous les trois. On vient de parler du hardcore et du death, brutal death, etc. Place maintenant au black, heavy et le meilleur pour la fin. Bah, ce qu'on peut encore signaler, du coup, c'est tous ces groupes menés notamment par des femmes qui nous ont plu dans des styles bien différents. Que ce soit le trash crossover de Pest Control ou bien le epic doom heavy de Smolder. Ouais. Ah ouais, et puis t'as le groupe de Black Metal, moi, qui m'a mis une belle claque aussi dans le style. Évidemment, on peut pas passer à côté de la sortie de Svalbard, qui nous a remis une claque. Moi, j'avais eu la chance de les voir sur scène il y a quelques années, et là, l'album est magnifique. Post-hardcore ultra militant, investi et incisif. On parlera des... j'ai perdu ma ligne. Ma ligne d'écriture. Ah, tu voulais parler de Cirrus N'Gaul, je crois. Cirrus N'Gaul, voilà. Bon, là, il n'y a pas de nana. C'est des gros vétérans de la scène épique, Epic Doom, voilà, qui pour moi a sorti un album absolument prodigieux. Toujours dans le Epic, les Irlandais de Primordial qui ont signé un album extra long mais absolument riche, This Is The End, enfin vraiment extra comme calme album, toujours très très prenant, de moins en moins black metal, sauf dans les ambiances et les intentions. Qu'est-ce qu'on peut citer également, vous, au niveau de vos groupes retenus? Et eh ben, il y aura les Québécois de Miserere Luminis qui ont pondu encore un album de grande qualité. Sulfur Ion, avec leur Death Black, enfin Black Death plutôt, Lovecraftien, qui a encore pondu un truc magnifique, accompagné d'une pochette splendide. Une des découvertes de l'année, Vengeful Spectre, les Chinois qui nous ont proposé un album gênant, dérangeant, dans le sens que c'est un album d'une bonne qualité qui est très réussi pour son style. Et qui fonctionne super bien, donc voilà. Peut-être autre chose. On peut évoquer El Reaper, le super groupe écossais qui fait du black trash, c'est absolument parfait ce qu'ils font. De base, One Man Band, et maintenant ça s'exporte en live. Et puis dans un style complètement autre, moi j'avais adoré le Grind Link, groupe de grind intelligent. C'est, si en est un. C'est peu dire. On va se rapprocher de groupes comme Wormrot ou des choses comme ça, avec une qualité de composition qui est assez notable, et pas cyber grind, mais quelque chose comme ça qui se dégage de leur album, et il fonctionnait très très bien. On se quitte ? Eh ben, on va se quitter sur du black. Voilà, on se donne rendez-vous le dimanche 28 janvier pour la prochaine émission en direct. D'ici là, tous les dimanches soirs, une émission originale, inédite, quoi qu'il en soit. C'est juste qu'elle est enregistrée un peu plus tôt dans la semaine et qu'elle vous est diffusée en différé. Et on se quitte avec Dryad. On est sur du War Black, Protodes Ultra Vénère, à la sauce Revenge. Je te vous laisse en parler. Un des coups de cœur de l'année, un concept album autour des abysses, quelque chose de parfaitement, oppressant, comme c'est pas permis, ultra violent, c'est un rouleau compresseur, et vraiment une belle découverte, avec une chanteuse au micro qui fait un travail incroyable, il y a beaucoup de réverb. Possédée et haineuse, tu veux de la réverb? Oui, il y en a.